Top secret, ne pas diffuser. Ce sont des images que personne n'a encore vues. On ne les a pas vues sur aucune chaîne. On ne les a pas vues dans La Quotidienne. On ne les a pas vues dans le Prime. On ne les a pas vues sur la chaîne 24/24. On les a récupérées pour vous. Vous le savez peut-être. Pour la première fois, la police britannique demande aux citoyens d'accomplir un devoir de délation. Un numéro d'urgence gratuit, accessible 24 heures sur 24, a été mis en place ce matin. Chacun est invité à appeler la police pour dénoncer un passant, un voisin, un touriste ou un collègue de travail au comportement suspect. Pour assurer votre succès, vous devez accepter la discipline, les règles. Je ne trouve pas ça normal qu'on ait à subir les conséquences d'individus qui souhaitent moins travailler et puis gagner de l'argent. Je trouve qu'il y a des crimes qui dépassent les limites. Vous avez déposé un projet de loi tendant à rétablir la peine de mort. Je vous le dis sur l'honneur, jamais je n'ai fréquenté de la vie de prostituée. Jamais. Vous êtes prêt à dénoncer votre voisin, votre ami? Oui, parce que je pense que les gens qui créent des virus sont des terroristes. Vous avez... On a volé mes enfants. Ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude. Vendre ma maison. J'ai plus rien. Non mais j'en ai marre, on arrête pas de faire le coup, putain, j'en ai marre qu'on arrête pas le tout, on arrête sur mon dos parce que tu trop facile, parce que je dis jamais rien. Merde quoi. Merde. Moi je dis jamais rien dans cette baraque, je pense. Moi je dis jamais rien. Pareil. Non mais j'en ai marre d'être ici, j'en ai marre de la putain de mauvaise ambiance, j'en ai marre de tout le monde quoi. Ne te mets pas dans des écoles pareilles, ça sert absolument à rien. Regarde, les règles sont difficiles à supporter, mais en fait, en les suivant, bah, c'est une preuve de liberté. Ah bah, tu vois, quand je serai au pays, je rattraperai ton permis. Four électrique, douche chaude, pizza. Je vais à hot dog avec Mita. Je veux un peu de cet amour libre dont ils parlent tous. Merde, c'est vrai que ça donne envie, quoi. C'est surfait, ce truc. C'est vrai qu'ils en parlent tous parce que tout le monde s'aime à l'arrière. Ah, l'amour. Le seul tatou en gros sur le front. Et... ils portent aussi des badges sur leur chemise à fleurs, tu sais. Ouais, on s'aime à l'arrière. Sans oublier personne. Chat, chien, nègre, espingouin. Youpa, BD,